3. L'excursion. Au point du jour, les chants de nos coqs nous réveillèrent et notre première pensée, à ma femme et à moi, fut d'entreprendre un voyage dans l'île pour tâcher de découvrir quelques-uns de nos infortunés compagnons. Ma femme comprit sur le champ que cette excursion ne pouvait s'effectuer en famille, et il fut résolu qu'Ernest et ses deux plus jeunes frères resteraient près de leur mère, tandis que Fritz, comme le plus prudent, viendrait avec moi. Mes fils furent alors réveillés à leur tour et tous, sans en excepter le paresseux Ernest, quittèrent joyeusement leur lit de mousse. Tandis que ma femme préparait le déjeuner, je demandai à Jack ce qu'il avait fait de son homard. Il courut le chercher dans un creux de rocher où il l'avait caché pour le dérober au chien. Je le louai de sa prudence et lui demandai s'il consentirait à m'en abandonner une patte pour le voyage que j'allais entreprendre. « Un voyage ? Un voyage ?» s'écria alors tous mes enfants sautant autour de moi. « Et pour aller où ?» J'interrompis cette joie en leur déclarant que Fritz seul m'accompagnerait et qu'il resterait au rivage avec leur mère, sous la garde de Bill, tandis que nous emmènerions Turc avec nous. Ernest nous recommanda de lui cueillir des noix de coco si nous en trouvions. Je me préparai à partir et commandai à Fritz d'aller chercher son fusil. Mais le pauvre garçon demeura tout honteux et me demanda la permission d'en prendre un autre, car le sien était encore tout tordu et faussé de la veille. Après quelques remontrances, je le lui permis. Puis nous nous mîmes en marche, munis chacun d'une gypsière et d'une hache, ainsi que d'une paire de pistolets, sans oublier non plus une provision de biscuits et une bouteille d'eau. Cependant, avant de partir, nous nous mîmes à genoux et nous priâmes tous en commun. Puis je recommandai à Jack et à Ernest d'obéir à tout ce que leur mère leur ordonnerait pendant mon absence. Je leur répétai de ne pas s'écarter du rivage, car je regardais le bateau de cuve comme le plus sûr asile en cas d'événement. Quand j'eus donné mes instructions, nous nous embrassâmes et je partis avec Fritz. Ma femme et mes fils se mirent à pleurer amèrement. Mais le bruit du vent qui soufflait à nos oreilles et celui de l'eau qui coulait à nos pieds nous empêchèrent bientôt d'entendre leurs adieux et leurs sanglots. La rive du ruisseau était si montueuse et si escarpée, et les rocs tellement rapprochés de l'eau, qu'il ne nous restait souvent que juste de quoi poser le pied. Nous suivîmes cette rive jusqu'à ce qu'une muraille de rochers nous barra tout à fait le passage. Là, par bonheur, le lit du ruisseau était parsemé de grosses pierres. En sautant de l'une à l'autre, nous parvînmes facilement au bord opposé. Dès ce moment, notre marche, jusqu'alors facile, devint pénible. Nous nous trouvâmes au milieu de grandes herbes sèches à demi brûlées par le soleil et qui semblaient s'étendre jusqu'à la mer. Nous y avions à peine fait une centaine de pas, lorsque nous entendîmes un grand bruit derrière nous, et nous vîmes remuer fortement les tiges. Je remarquai avec plaisir que Fritz, sans se troubler, arma son fusil et se tint calme, prêt à recevoir l'ennemi. Heureusement, ce n'était que notre bon Turc, que nous avions oublié, et qui venait nous rejoindre. Nous lui fîmes bon accueil, et je louai Fritz de son courage et de sa présence d'esprit. « Vois, mon fils, lui dis-je, si au lieu d'attendre prudemment comme tu l'as fait, tu eusses tiré ton coup au hasard, tu risquais de manquer l'animal féroce, si c'en eût été un, ou ce qui était pire, tu pouvais tuer ce pauvre chien et nous priver de son secours. » Tout en devisant, nous avancions toujours. À gauche et près de nous s'étendait la mer, à droite, et une demi-heure de chemin à peu près, la chaîne de rochers qui venait de finir à notre débarcadère suivait une ligne presque parallèle à celle du rivage, et le sommet en était couvert de verdure et de grands arbres. Nous poussâmes plus loin. Fritz me demanda pourquoi nous allions, au péril de notre vie, chercher des hommes qui nous avaient abandonnés. Je lui rappelai le précepte du Seigneur, qui défend de répondre au mal autrement que par le bien. Et j'ajoutai que d'ailleurs, en agissant ainsi, nos compagnons avaient plutôt cédé à la nécessité qu'à un mauvais vouloir. Il se tut alors, et tous deux, recueillis dans nos pensées, nous poursuivîmes notre chemin. Au bout de 2 heures de marche environ, nous atteignîmes enfin un petit bois quelque peu éloigné de la mer. En cet endroit, nous nous arrêtâmes pour goûter la fraîcheur de son ombrage et nous nous avançâmes près d'un petit ruisseau. Les arbres étaient touffus, le ruisseau coulait paisiblement, 1000 oiseaux peints des plus belles couleurs s'ébattaient autour de nous. Fritz, en pénétrant dans le bois, avait cru apercevoir des singes. L'inquiétude de Turc, ses aboiements répétés, nous confirmèrent dans cette pensée. Il se leva pour essayer de les découvrir, mais tout en marchant, il heurta contre un corps arrondi qui faillit le faire tomber. Il le ramassa et me l'apporta en me demandant ce que c'était car il le prenait pour un nid d'oiseau. « C'est une noix de coco. Mais n'y a-t-il pas des oiseaux qui font ainsi leur nid ? Il est vrai. Cependant, je reconnais la noix de coco à cette enveloppe filandreuse. Dégageons-la, et tu trouveras la noix. » Il obéit, et nous ouvrîmes la noix. Elle ne contenait qu'une amande sèche et hors d'état d'être mangée. Fritz, tout désappointé, se récria alors contre les récits des voyageurs qui avaient fait une description si appétissante du lait contenu dans la noix et de la crème qui recouvrait l'amande. Je l'arrêtai en lui faisant remarquer que celle-ci était tombée et desséchée depuis longtemps, et que nous en trouverions probablement de meilleures. En effet, nous en rencontrâmes une qui, bien qu'apparente, ne laissa pas de nous faire beaucoup de plaisir. J'expliquai alors à Fritz comment l'amande du cocotier rompt sa coque à l'aide de trois trous où cette enveloppe est moins dure qu'en tout autre endroit. Nous continuions cependant à marcher. Le chemin nous conduisit longtemps encore à travers ce bois, où nous fûmes plusieurs fois obligés de nous frayer un passage avec la hache, tant était grande la multitude de lianes qui nous barraient le chemin. Nous arrivâmes enfin à une clairière où les arbres nous laissèrent un plus libre accès.